Ça va trop vite sans moi. Quand ça commence. C'est Philippe qui est dans le bus. Alors. Philippe dans le bus. Avec son fameux slip blanc. Elle a changé de tonalité. C'est quoi ce produit-là? Je me sens ramolli, hein. les enregistrer la ligne de basse. Comment on fait pour enregistrer la basse? Juste la basse. Je sais pas si ça marche. Elle est où ma basse? Hey! Oh mana jama jama. Oh jama jama jama. Attends, je vais la caler. Sexe.